cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Nicole Mériot. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va très bien, je vous remercie, et vous ? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nos auditeurs ? Nicole Mériot, j'habite à Chalon-Villard, je suis née à Ronchamp, donc je fais de la sculpture, et c'est à ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. Je suis mariée, j'ai trois enfants, trois grands-enfants, et voilà, j'ai exercé la profession de professeur de mathématiques avant de faire de la sculpture à temps plein. Et c'est vraiment un autre monde. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession ? Parallèlement à mes études de mathématiques, j'avais suivi une formation à l'école d'art de Belfort, parce que depuis toujours je suis passionnée par le dessin, la peinture. J'ai fait beaucoup de dessins d'après modèle vivant aussi, puis... Cette formation m'a permis d'apprendre les techniques de sculpture. Et quel genre de technique ? Le moulage, déjà le modelage, la fabrication des armatures, le moulage. Et donc c'est aussi travailler d'après des modèles classiques en plâtre avant de passer à ses propres créations. Et vous avez appris à travailler sur quel matériau à l'école ? Principalement de l'argile, de l'argile et du plâtre après, puisqu'on faisait un moulage de nos modèles en argile et ensuite on les réalisait en plâtre. Après, le bronze est venu plus tard, à titre personnel, mais à l'école d'art, c'était surtout ces matériaux-là qu'on utilisait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sculptrice à temps plein ? Mais déjà... C'est quelque chose que j'ai aimé depuis toute petite parce que j'allais chercher de l'argile dans la forêt pour sculpter les bustes de mes frères quand j'étais petite. Donc après au lycée, j'aimais beaucoup le dessin. J'ai eu un professeur de dessin, Madame Marie Caille, qui m'a envoyé suivre des cours au musée avec Monsieur Delarbe, qui était le directeur du musée de Belfort, et qui m'a d'ailleurs appris à placer les couleurs sur une palette, à faire surtout du dessin, de la peinture à l'époque. Puis après, je faisais chez moi la sculpture. Je suis passée après au stade du bronze, mais nettement plus tard, après mon enseignement en mathématiques. Et qu'est-ce qui vous le plaît le plus dans l'art ? C'est sublimer le beau, c'est essayer de trouver, à partir d'un modèle qui est réel, essayer de trouver les lignes essentielles, de trouver l'harmonie du modèle, de même simplifier les formes pour qu'il ne reste que le mouvement, quelque chose qui suggère ce qu'on voulait représenter, mais qui permet aussi de montrer sa créativité et puis de modifier un peu le réel, de le suggérer, simplement. Est-ce qu'il y a un ou des artistes qui vous ont donné envie de devenir artiste à votre tour ? Bon, bien sûr, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel-Ange, pour Rodin, pour Camille Claudel. C'est surtout, pour moi, ce sont les artistes majeurs pour la sculpture. Moi, autrement, j'aime beaucoup aussi la peinture, j'aime bien aussi Magritte, les impressionnistes, d'autres. Mais c'est vrai que je suis plus attirée par la sculpture. C'est quoi être artiste pour vous ? Ah, être artiste... C'est voir ce que les autres ne voient pas des fois, donner sa vision personnelle de ce qui nous entoure, puis être capable de partager ses émotions. Bon, il faut bien sûr déjà, il faut quand même de la technique et du savoir-faire, mais je pense qu'il faut avoir le sens de la beauté et puis pouvoir partager aussi sa sensibilité, je pense. Beaucoup d'imagination et de créativité, donc. Oui, soutenu pour moi-même par de la technique, ce qui est indispensable mais qui ne suffit pas, je pense. Oui, parce que même si vous avez un don, il faut toujours le travailler pour s'améliorer, oui, finalement. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est une sculpture ? Une sculpture, bon, c'est le travail en relief, en trois dimensions. Alors, bien sûr, il y a différentes sortes de sculptures. On peut avoir de la taille directe, c'est travailler sur un matériau dur, c'est enlever de la matière pour faire apparaître ce qui est sous-jacent. Ou du modelage, qui consiste à utiliser un matériel mou, comme de l'argile, par exemple, ou de la cire, et on peut ajouter de la matière sur une armature. Donc, c'est deux types différents. Il y a aussi, bien sûr, la soudure, le travail du métal, mais... Pour moi, c'est ça, c'est concevoir et réaliser en volume. Ça nécessite déjà l'observation du sujet. Pour moi, quand je fais une sculpture, même un animal ou autre, j'observe toujours longuement le sujet et j'ai toujours des livres d'anatomie parce que j'ai besoin de voir le squelette, la musculature, avant de faire une construction. Donc, il y a un travail préliminaire avant de se lancer dans la construction de l'armature et puis de la réalisation du modèle. Est-ce que vous faites des dessins, par exemple, avant de sculpter, vous y allez au feeling ? souvent, je fais quand même des croquis, principalement pour faire l'armature en métal. Mais parfois, je me lance dans une petite ébauche en terre directement, qui n'est pas la sculpture définitive, mais qui permet après de servir de base pour la construction du modèle définitif. Donc, j'aime bien aussi travailler même sur une armature qui existe au départ et qui permet de trouver des formes auxquelles j'aurais pas pensé au départ. Soit je pars d'un animal réel, je fais l'étude, je prends des photos, je regarde l'anatomie et je travaille principalement comme ça. Ou alors, parfois, par imagination au départ. Sur quel matériau est-ce qu'on peut sculpter ? On peut sculpter, bien sûr, la pierre, le bois, la terre. Le bronze, c'est à part, puisque ça nécessite l'intervention d'une fonderie d'art. Ces différents matériaux. J'ai commencé un peu aussi à travailler la pierre, la stéatite principalement, parce que c'était une pierre tendre et qui permet d'obtenir des beaux rendus quand on travaille avec une finition très fine. Le bois aussi un peu. Bon, là, ça nécessite quand même plus de force physique. Et puis, la terre qui peut permettre après soit de travailler en terre cuite, soit de réaliser après des modèles en plâtre, puis en bronze. Il me semble qu'on peut sculpter aussi sur la glace, je crois, non ? Oui, je connais des sculpteurs qui ont travaillé sur la glace, ou bon, comme aussi à la bresse, à la tronçonneuse, sur du bois. Et oui, le festival de sculpture, j'y allais régulièrement quand il avait lieu à la bresse. Oui, c'est passionnant. Et c'est vrai que des artistes sont spécialisés dans ces matériaux, c'est vraiment intéressant. Ça doit être quand même assez impressionnant de voir quelqu'un avec une tronçonneuse en train de sculpter quelque chose, parce qu'une tronçonneuse, c'est quand même assez lourd dans les bras, faut pas se louper, quoi. Oui, exactement, c'est très physique, oui. On peut même sculpter des légumes, des fruits. Ah oui? J'ai vu en Asie des sculptures faites à partir de légumes, c'était magnifique aussi. Mais c'est vrai que la sculpture sur tronçonneuse, ça, bon, je serais incapable, mais c'est très spectaculaire. Est-ce que vous avez un atelier, Nicole? Alors oui, j'ai depuis quand même pas mal d'années un grand atelier. Ben, c'est une véranda qui est attenante à la maison, donc j'y travaille régulièrement. Mais je vais aussi assez souvent en hiver, surtout travailler à l'école d'art de Belfort pour faire des moulages de grosses pièces, par exemple. Mon atelier me permet principalement de faire toutes les finitions, et puis le début du travail, souvent je le fais aussi chez moi dans mon atelier. Il est quand même suffisamment grand et équipé de. Parce que la sculpture, c'est quand même un travail qui est assez, qui fait de la poussière, donc il faut un lieu spécial. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le Graal ? Qu'est-ce que c'est ? Alors le Graal, c'est le groupe de recherche des artistes et amis des arts locaux. Donc c'est un groupe qui a été créé par le peintre Jean Chaboudet dans les années 70 avec une quinzaine de membres. Et donc après, ça se renouvelle, donc on est à peu près une dizaine, 10 à 15. En général. Et donc, on choisit un thème chaque année. Ça peut être l'eau, le reflet, voyage, ce qu'il y a eu encore. Le nombre d'or, ça me plaisait bien. Mouvement, mythologie, le romantisme, enfin, un thème choisi par tous. Et on fait une grande exposition annuelle à la Tour 46 à Belfort. Donc, c'est dans un cadre vraiment magnifique. Et les peintres sont tenus de faire un tableau au moins de 40 F. Donc, un grand tableau. Pour les sculpteurs, il n'y a pas de normes. Mais donc, j'en fais partie depuis 2002. Il fallait être parrainé par deux artistes pour entrer dans le groupe. Et comment est-ce que vous avez été parrainé, vous ? C'est un peintre, deux peintres, Yvette Masson et Gilles Vetter, qui étaient venus voir une de mes expositions et qui m'ont demandé de faire partie du Graal. Donc, il fallait présenter quelques œuvres et puis après, on pouvait faire partie du groupe. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de le rejoindre, le groupe ? C'est vrai que l'émulation, le fait de... On peut comparer sa vision à celle d'autres artistes sur un thème imposé. Parce que c'est pas facile toujours de travailler sur un thème imposé. Il y avait des thèmes qui convenaient aux peintres, mais pas forcément aux sculpteurs. Donc ça oblige à réfléchir et faire des sculptures que je n'aurais peut-être pas faites autrement. Donc c'est intéressant. Les membres viennent tous de la région, des départements aux alentours. Donc c'est un bon moment de convivialité, cette exposition qu'on va faire. D'ailleurs, on en aura une au mois de septembre. La prochaine sera au mois de septembre, sur le thème de la femme. Vaste sujet, donc. Oui, voilà, le sujet. Nous allons nous lancer dans une première pause musicale avant de parler de vos œuvres. On vous laisse avec Georges Brassens avec sa chanson Le Parapluie. À tout de suite sur Radio Guémozo. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Vous écoutez Radio Guémozo, Radio Guémozo, 107.0. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Nicole. Alors Nicole, de quoi est fait le bronze ? Alors le bronze est constitué de cuivre à 88% et d'étain 12%. Et comment vous est venue l'idée de travailler le bronze, vous ? Ben d'abord j'ai travaillé la terre, le plâtre, le bois, la terre cuite éventuellement. Et puis je faisais quelques expositions localement. Et un jour un monsieur a voulu m'acheter une sculpture qui était en plâtre. Et moi je ne voulais pas la vendre. Il m'a dit je connais un fondeur et on va y aller. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire la première sculpture en bronze. Et après j'ai continué et c'est vrai que maintenant c'est devenu ma matière de prédilection. Et ça doit pas être une matière facile à travailler ça. Non, parce que je travaille avec une fonderie d'art qui est la fonderie de Saint-Sauveur à côté de Luxeuil. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille avec eux parce que je ne peux pas faire les couler à 1200 degrés ou tout ce travail. Donc je travaille d'abord sur la terre que je garde toujours humide. Ensuite, je fais un moule en plâtre sur cette sculpture une fois qu'elle est en terre, telle que je veux qu'elle soit réalisée après. Alors ce moule, c'est un peu compliqué suivant les formes, il faut le faire en plusieurs parties, en projetant du plâtre coloré, puis du plâtre blanc. Et ce moule me sert, une fois que je l'ai ouvert et vidé, à couler du plâtre pour réaliser la sculpture en plâtre une fois que je casserai ce premier moule. Donc la sculpture étant telle que je veux qu'elle soit en plâtre, je la porte à la fonderie et le fondeur refait un moule en élastomère. C'est ce qu'on appelle le procédé de cire perdue. Donc un moule en élastomère qui permet de faire une cire, le modèle en cire, puis une coque et un noyau en céramique qui permet de couler la matière, le bronze, à 1200 degrés, ce bronze qui remplace la cire. C'est pour ça qu'il faut prévoir l'arrivée du métal, prévoir des évents, c'est très très technique. Donc une fois que la coulée est faite, il faut enlever le moule, faire ce qu'on appelle la ciselure, qui permet d'ébarber, de couper les évents. Et ensuite, la patine permet la coloration du bronze, de la sculpture en bronze. Et c'est une coloration, c'est pas une peinture, c'est-à-dire que c'est une oxydation du métal à chaud. Il faut chauffer la sculpture au chalumeau et oxyder le métal. Alors, suivant la couleur que je demande, on peut faire soit en mettant du nitrate de fer ou de cuivre, on obtient des teintes dans les dorés, les bruns, les bruns, les bleus. J'aime beaucoup les sculptures dans les tons bleus ou même marbrés. On peut jouer sur la transparence aussi avec la patine, donc c'est un peu magique. Et ça veut dire quoi, oxyder du coup? Si on laisse du cuivre à l'état naturel, il se recouvre de vert de gris. Donc on peut pas laisser la sculpture en bronze telle que. Elle s'oxyderait avec le temps et elle deviendrait verte, elle s'oxyderait. Donc il faut faire cette oxydation sur le métal, mais avec des produits qui lui permettent d'obtenir une teinte, justement celle que je vous ai dite, et ça se fait souvent en plusieurs étapes, c'est-à-dire souvent il y a un verre d'abord qui permet d'oxyder ce métal, après il ne bouge plus dans le temps, il est fixé. Ensuite par-dessus on peut rajouter des teintes du bleu, du noir, souvent il y a 3 ou 4 passages en chauffant en chalumeau, en mettant au pinceau ces produits, c'est de la chimie à ce moment-là, ça permet d'obtenir la teinte définitive de la sculpture. Après, c'est des teintes souvent qui sont assez transparentes. Moi, j'aime bien obtenir ces teintes assez transparentes. Mais on peut aussi ajouter des pigments, j'en ai une, oiseau de feu, para, qui s'appelle, où il y a du rouge, de l'orange, et là, c'est obtenu par des pigments. Et ça permet d'avoir des teintes assez vives. On peut obtenir beaucoup de teintes à l'aide de ces pigments. Quel matériel est-ce que vous utilisez pour sculpter vos œuvres ? Alors, matériel, ça dépend de ce que j'utilise comme matériel. Alors, si je sculpte la terre, par exemple, il me faut un couteau, des mirettes. Des mirettes, ça permet d'enlever, c'est des outils en bois avec des petites tiges au bout qui permettent d'enlever de la matière, des ébauchoirs, des spatules. J'ai une sellette aussi avec un plateau tournant qui permet de voir la sculpture sous tous les angles à la fois. Ça, c'est pour la terre. Pour le plâtre, il faut des ciseaux, des rifloirs, des gouges, des râpes, des spatules, des tiges métalliques pour les armatures, du papier abrasif pour les finitions. Enfin, c'est pas le même matériel. Après, pour la pierre, un pic, une pointe, un ciseau, une gradine et une boucharde. Il faut aussi des limes, des râpes, éventuellement des outils électriques et pneumatiques. Mais moi, quand je faisais de la pierre, je n'en utilisais pas. Je faisais pas des énormes sculptures en pierre. Donc, ces matériels-là suffisaient. Après, le fondeur, c'est un matériel très spécifique. Bien sûr, il y a des fours. Là, c'est des fours à gaz. C'est une très grande fonderie où je vais qui est équipée, qui fait même des œuvres monumentales. Quand on dit sculpture, moi, je pense toujours à l'utilisation du marteau et du burin. Oui, pour la pierre, c'est ça. Oui. Marteau, le burin, ça sert principalement pour les sculptures sur des matériaux durs, comme la pierre et le burin. Il faut pas taper trop fort, sinon ça risque de poser un problème. Oui, c'est sûr. Quand on a une pierre, il faut imaginer la sculpture qui est sous-jacente, de façon, hein, parce qu'on ne peut pas remettre des morceaux là. Il faut absolument bien étudier le problème avant. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous créez quelque chose ? Il y a beaucoup de choses. Ça peut être, j'ai été inspirée, j'ai représenté mes enfants dans différentes positions. Ça peut être le mouvement, par exemple, pour le guépard qui est prêt à bondir. J'ai fait des voyages aussi en Corée, par exemple. J'ai fait des petites coréennes qui sortaient de l'école. Après, des thèmes comme la danse, parce que mes filles ont fait de la danse, ou des thèmes justement reliés au Graal. Voilà, c'est très varié. Est-ce que vous préférez travailler dans le silence ou avec la musique à fond ? Je sais que ça dépend des artistes. Non, moi c'est dans le silence, éventuellement en écoutant Mozart, ou Vivaldi, ou Berlioz, mais non, j'aime bien travailler dans le silence. Ne pas être limité par le temps, parce que quand je travaille, je ne vois pas le temps passer. Ça, c'est la passion, ça ne compte pas les heures de travail dessus, parce que c'est tellement passionnant. C'est vrai, oui. J'ai vu via votre page Facebook que vous sculptez des animaux, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, j'aime bien sculpter des animaux, parce que... C'est très varié, ça peut symboliser la force, la souplesse ou la légèreté. J'ai fait des oiseaux, j'ai fait des félins, j'aime bien. Et puis, pendant mes vacances, j'étais allée en safari au Kenya et en Tanzanie. Ça m'a aussi donné beaucoup d'idées pour les sculptures. Donc, j'ai fait des salons animaliers aussi. J'aime bien ce thème-là. Je crois que c'est tellement varié qu'on peut trouver un peu tout. Et on peut soit représenter vraiment l'animal tel qu'il est, ou alors chercher à styliser, trouver les lignes essentielles. Ça permet quand même il y a beaucoup de possibilités pour ces sculptures. J'ai vu aussi sur votre site internet que vous avez sculpté un panda. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour le créer, celui-là ? Celui-là ? Bon, pour une sculpture, en général, il faut compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous avez vu toutes les étapes qu'il y avait avec, au départ, la terre, le plâtre, et puis après, à la fonderie. Donc, c'est très difficile à évaluer. Moi, je compte jamais mes heures. C'est plutôt en semaines que ça se compte. Semaines, voire des mois. De toutes vos œuvres qui sont visites sur le site internet du Graal, celle qui me plaît le plus, c'est le hara. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette création ? Le hara, ça fait partie des thèmes. J'ai fait pas mal d'oiseaux. J'aimais beaucoup représenter les oiseaux. Et puis après, c'est une des rares sculptures que j'ai faites justement avec des pigments. J'ai fait un hara bleu, Ararona, et puis le macao, le classique, dans les tons de rouge, vert et bleu. Et voilà, ça a des couleurs vraiment magnifiques. Donc c'est une des rares sculptures que j'ai faites en 2013, je crois, où il y a des pigments colorés. On a passé presque la journée à la fonderie avec celui qui me faisait la patine avec des pinceaux tout fins. C'était pas de la peinture, mais arriver à oxyder le métal toujours en chauffant et pour obtenir ces différentes couleurs. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première création ? Ma toute première création. La toute première création en terre, c'était, bon, comme je vous l'ai dit, les bustes de mes frères. Je pense autrement. Oui, je crois que c'était celle-ci que j'avais faite au début. Les premières que je n'ai plus d'ailleurs parce que c'est pas, elles se sont délitées petit à petit. Et puis en bronze, la première s'appelait Crépuscule. C'est un personnage double. D'un côté, il y a une jeune femme et de l'autre côté, un vieillard. Est-ce que vous gardez toutes vos créations chez vous ? Ça prend peut-être un peu de place, non, du coup ? Oui, j'ai au moins un modèle de chaque sculpture en bronze à la maison. Par contre, les moules et les originaux sont souvent, presque tous encore à la fonderie, où il y a un endroit spécial où elles sont stockées, parce que, comme ça, si jamais je veux en refaire une, je dis simplement au fondeur qui peut lancer la réalisation à partir du moule qu'il a chez lui, directement. Je suis quitté retourné pour ça. Mais après, une fois que la série est terminée, je récupère mon moule et puis l'original. Pour un bronze, ils sont tous numérotés, signés, bien sûr, numérotés, et il y a le cachet du fondeur, donc Atelier France Bronze, et le numéro c'est 1/8/8 jusqu'à 8/8. C'est gravé dans le bronze. On peut changer la couleur de patine pour les différents tirages, mais on peut en faire 8, ça c'est la loi. Certaines de vos créations que j'ai vues sur le site du Graal, dont le guépard, on a l'impression que c'est du bois au vu de la photo. Ça ressemble à du bois, je trouve, la couleur. Oui, on me le dit parfois, mais je leur dis qu'il est dans les expositions. Soulevez, vous verrez que c'est pas du bois, parce que ça pèse souvent 20-25 kilos. Oui, oui, parce que c'est une patine brune. Et donc, j'essaie de rester, pour le lion, par exemple, ou le guépard, ou la lionne, je reste souvent dans ces tons de brun doré, brun vert, brun rouge un peu, qui ressemblent à la réalité, mais j'en ai réalisé aussi dans les tons bleus. Un cheval noir aussi, un autre bleu. Est-ce que vous proposez vos œuvres en vente ou pas ? Oui, bien sûr, oui, dans les expositions ou dans les galeries, mais de faire les suivantes. Est-ce que vous faites à la demande aussi ou pas ? Ça m'est arrivé, oui. Les commandes, j'ai fait 3 commandes publiques et puis d'autres, quelqu'un qui m'avait demandé de représenter sa fille avec un petit chat dans les bras, bon, je l'ai fait. Puis les commandes publiques, c'était une république que j'ai faite pour la ville de Poligny. J'ai fait aussi Édouard Goldschmidt, c'est un bienfaiteur de l'enseignement technique, ça c'était pour le lycée Follereau à Belfort. Et puis une fontaine et la Marianne de mon village. Certaines de vos créations ont un nom spécifique comme Attaque, Duo et Vision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Bon, souvent, elles ont des noms assez basiques, hein, comme Cormoran, Guépard, Reflet dans le vent, mais d'autres, Spiraffe. Là, c'est une girafe qui a un cou enroulé parce qu'elle a regardé un avion qui faisait des loopings. J'ai Rhinophéros, Damoiseau, qui est un... quand on tourne, on voit un corps féminin, et quand on tourne, on voit des ailes d'oiseaux. Donc, bon, c'est vrai que les noms sont assez basiques quand même, d'une façon générale. Comment est-ce que vous choisissez le nom de vos œuvres ? C'est un peu la touche finale, mais des fois le nom s'impose quand je le réalise. Mais il m'est arrivé d'aller chez le fondeur et là de me dire « mince, j'ai pas donné de nom à cette sculpture-là ». C'est assez rare, mais ça peut arriver. De toutes les œuvres que vous avez réalisées, laquelle êtes-vous la plus fière et pourquoi ? Alors bon, je vous ai parlé tout à l'heure d'une commande publique. C'est une république que j'ai faite pour la ville de Poligny. En 2000, il y avait un concours au départ où il fallait proposer des dessins d'abord. Donc moi j'avais proposé quelques dessins, on était quand même pas mal de sculpteurs à postuler pour ça. Et ils ont choisi 5 sculpteurs et après, à partir du dessin, il fallait faire une ébauche d'à peu près 50 cm de haut et venir la présenter à Poligny. Et donc ils ont choisi la mienne et après donc je l'ai réalisée grandeur nature, c'est-à-dire elle fait 1m85. Elle a le bras levé, elle tient un rameau d'olivier. Et j'ai utilisé 170 kilos de terre pour la faire sur une armature. Donc c'était vraiment un gros, gros travail, la faire en terre. Puis après, faire le moulage en 13 parties pour la réaliser en plâtre. Puis le fondeur est venu la chercher chez moi. Elle a coulé en bronze, elle a été la scellée, donc place de la République à Poligny. Donc elle a sur un socle d'un mètre de haut, elle fait 1m85. Est-ce que c'est le plus grand format sur lequel vous avez travaillé, du coup ? Oui, c'est le plus grand format, oui. Que j'en ai fait d'autres qui font dans les 95-93 cm, mais j'en ai pas fait d'aussi grand d'après. Et le plus petit format que vous avez fait, c'est quoi ? Le plus petit, c'est peut-être, j'en ai une qui s'appelle Mon Petit Chat, justement, la petite fille blonde avec les cheveux bouclés, qui tient un petit chat dans les bras. Oh, elle fait à peu près 15 cm de haut, à peu près. Et lequel de ces deux formats était plus difficile à réaliser ?

Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. 107.0 RGR Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Nicole. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de se brancher via leur transistor ou leur autoradio sur le 107. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Nicole? Ce sont tous les trois des poètes. J'aime beaucoup la poésie. C'est pour ça que j'ai choisi Brassens, Sanferat et Slimane. Là, en plus, c'est assez romantique et ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, pour la dernière, heureusement que vous n'avez pas écouté, parce que j'étais en train de chanter tout le long de la chanson, puis j'ai choisi une vidéo où il y avait les paroles, donc c'était en mode karaoké. Vous exposez quelques-unes de vos œuvres à la Maison de la Bresse du 3 au 27 août. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, j'avais exposé 34 bronzes. J'en ai déjà 8 là-bas, j'en apporte, je complète donc pour qu'il y en ait 34. Il y aura principalement des animaux, mais aussi sur le thème de la femme, j'aurai des sculptures patines bleues, ondulation, osmose, aujourd'hui peut-être, frileuse et muse. Et puis le thème de l'enfance, et j'ai mis aussi un pianiste. C'est une sculpture qui est faite d'une manière différente, c'est-à-dire que j'ai monté directement sur une armature en plâtre sans passer par la terre. Donc ça donne un autre rendu. Donc je voulais donner aussi un aperçu de ce genre de sculpture. J'ai reçu Olivier Claudon dans nos studios la semaine dernière. Il m'a dit qu'il vous avait recommandé pour l'exposition, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est un peintre animalier de grand talent et que j'ai revu il n'y a pas très longtemps à Vittel et à Mirecourt. Et j'aime beaucoup son travail. Il m'a donc invité à exposer avec lui à la Maison de la Bresse. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Est-ce qu'il y a eu un vernissage pour cette exposition? Il y a eu un vernissage commun le 15 juillet pour Olivier Claudon, Didier Krebs qui occupe la salle du 8 juillet au 2 août où j'exposerai mes sculptures du 3 au 27 août. Est-ce que vous irez quelquefois à la Maison de la Bresse pour discuter avec des visiteurs? éventuellement, je passerai dans le courant du mois. Déjà, bon, j'y vais le 3. Après, je pense que j'y passerai aussi, peut-être avec mes enfants aussi, pour rester quelques temps là-bas. Je n'ai pas encore décidé des dates à laquelle je serai là-bas. Est-ce que c'est la première fois que vous exposez là-bas ? En Bresse, oui. Je fais une dizaine d'expositions par an, à peu près. Et ça s'est passé comment, votre toute première exposition ? Est-ce que vous étiez stressée ? Oui, toujours. Moi, je suis stressée à partir du moment où je suis, par exemple, invitée d'honneur et qu'il faut aller sur l'estrade pour faire un discours. C'est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal de ce côté-là. Mais autrement, oui, une exposition, c'est toujours un peu une aventure. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est passionnant de rencontrer les gens, de se confronter au regard des autres, d'avoir aussi savoir ce que les gens pensent. Et puis c'est encourageant. On en a besoin, je pense. Certaines personnes disent une fois qu'ils exposent leurs œuvres, ça leur appartient plus, ça appartient aux visiteurs. Est-ce que vous partagez cet avis, vous, ou pas ? Oui, parce que moi j'aime bien avoir le point de vue des autres sur ce que je fais. Je n'aime pas forcément commenter, dire pourquoi j'ai fait ça en général, mais j'aime bien avoir anonymement le retour. Et justement, que ça soit en exposition ou pas, est-ce que vous avez déjà eu des retours sur quelques-unes de vos œuvres ? Oui, assez souvent, quand je vends une œuvre, par exemple, même à l'étranger, je reçois après un petit mail avec une photo me montrant comment est mise en valeur la sculpture dans leur intérieur, ou des gens qui reviennent après. J'ai pas mal de personnes qui suivent un peu ce que je fais dans les expositions, ça me surprend toujours un peu, mais qui savent exactement ce que j'ai fait de nouveau et qui me suivent au fur et à mesure des expositions. Ça fait toujours beaucoup de plaisir de savoir que les gens s'intéressent et d'avoir ce retour. Vous parliez de vente à l'étranger, c'était où, dans un pays francophone ou pas ? Oui, c'était la dernière exposition que j'ai faite à Beaune avec un peintre, Robert Hézard. C'était une exposition en septembre, on n'était que deux, mais là c'est Chapelle Saint-Étienne, on avait vraiment beaucoup de place, donc beaucoup de tableaux et de mes sculptures. Et là j'ai vendu à des Canadiens, luxembourgeois, allemands, anglais, principalement belges, suisses. Français, bien sûr. Oui. Moi, je trouve que Beaune, c'est une très belle ville, parce que je me rappelle qu'avec l'école, on avait visité les hospices de Beaune, et puis l'architecture est assez particulière là-bas. Oui, et j'ai exposé à Beaune donc plusieurs fois avec le groupe qui s'appelle l'Atelier de Beaune, et puis après avec Robert Hézard à la chapelle Saint-Étienne à Beaune. C'est un bâtiment historique aussi qui n'est pas très loin des hospices de Beaune. Et la ville est très très belle. Oui, c'est en plein centre de ville. Et il y a énormément de visiteurs étrangers qui viennent bien sûr pour les vignobles, mais aussi qui sont intéressés et qui viennent visiter les expositions. Est-ce qu'on vous a déjà décerné des prix pour vos créations ? Oui, j'en ai eu quand même au festival de peinture de Belfort, au salon des artistes lorrains de Nancy, beaucoup en Alsace, Altkirch, Wittelsheim, Wittenheim, Saint-Dié, à Vittel, à Langres, Lyon, Chambéry, Dijon, Linas aussi, prix du Sénat. Oui, ça arrive. Et comment est-ce que vous êtes sentie quand vous avez reçu ces prix ? Émue, fière, flattée, beaucoup de reconnaissance, et puis ça fait toujours très plaisir. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres expos après celle de la Maison de la Bresse ou pas ? Oui, justement, j'expose à Beaune du 31 août au 6 septembre, à Héricourt, c'est en Haute-Saône, début octobre, 7 et 8 octobre, à la Tour 46 avec le Graal, du 15 au 24 septembre à Belfort, avec le Graal, et puis avec des philatélistes en septembre aussi à la salle des fêtes de Belfort. Les mois d'exposition, c'est surtout octobre, septembre, octobre, novembre, et puis le mois de mai, juin, enfin, c'est le printemps et puis l'automne. Et c'est quoi des philatélistes ? Les amateurs de timbres. Oui, les philatélistes à Belfort me demandent régulièrement de venir exposer des sculptures quand ils font leur salon annuel. Et quels sont vos futurs projets en tant qu'artiste ? Pouvoir continuer longtemps, parce que créer, c'est une nécessité pour moi. Donc j'espère pouvoir faire encore de nombreuses expositions, de nombreuses sculptures et de nombreuses expositions. J'ai toujours du travail en cours. Parfois, je les fais en continu. D'autres fois, je les laisse un peu en attente et j'y reprends après. Donc j'ai du travail pour le moment qui est prévu. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors oui, sur Internet, en tapant Nicole Mériot sculpteur, je crois qu'il y a pas mal de choses qui apparaissent. Et puis, il y a le site du Graal, et puis moment, ma fille m'a mis sur Facebook, j'ai des photos et puis quelques affiches d'exposition. Et puis sur le site du fondeur, si vous tapez Fonderie de Saint-Sauveur, vous verrez toutes celles qui sortent, toutes les sculptures qui sortent, tout ce qui est fait à la fonderie. Et il y en a chaque fois qu'il y en a une qui sort, elle apparaît dans ce site Fonderie de Saint-Sauveur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De pouvoir continuer longtemps. Mon mari me souffle, être toujours au top. Il vient d'arriver. Toujours avoir de l'inspiration, de la créativité. Voilà, toujours avoir d'inspiration. Voilà, ça on peut pas le commander, ça. Il y a des moments où j'ai beaucoup de projets en cours, j'en fais du matin au soir, puis d'autres moments où, bon, quand les enfants sont en vacances, par exemple, chez moi, bon, j'en fais beaucoup moins. J'ai toujours cette envie et quand je reste une semaine sans faire de sculpture, je me sens pas bien, ça me manque. C'est vraiment un besoin vital, c'est comme un exutoire finalement. Oui, c'est vrai, oui, c'est ma manière de m'exprimer. Cette émission est maintenant terminée, Nicole, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreux visiteurs iront voir vos œuvres qui seront exposées à la Maison de la Bresse du 3 au 27 août. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura, bye tout le monde.